الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنحمده جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد فنواصل قراءتنا في هذه المقدمة مقدمة لهذه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وقد تكلمنا وتحدثنا عما يتعلق بمؤلف هذه الرسالة ألا وهو أبو محمد صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني فنواصل الكلام بحول الله جل وعلا ونقرأ لفهم هذه الرسالة الشرح للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Donc on va continuer les frères, inshallah, sur l'étude de cette lettre, de cette œuvre du grand savant, du grand érudit, الشيخ العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. Donc hier on avait commencé, on avait parlé, traité de quelques points concernant la biographie de l'auteur. On avait parlé aussi du contexte. On avait mentionné sa date de naissance, sa date de décès, pour connaître à peu près quelle était l'époque à laquelle a vécu l'auteur. Et ça c'est très important pour comprendre le contexte et pour mieux comprendre l'écrit et l'œuvre. Et on avait dit pour comprendre cette risala, on va s'appuyer sur le commentaire de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala. Donc hier, on avait commencé la lecture de la biographie, du préambule de l'introduction de Cheikh Al-Fawzan à cette risala. Donc on va continuer, inshallah. Donc on avait dit, Cheikh Al-Fawzan nous avait expliqué, le commentateur nous avait expliqué, donc on peut voir dans cette risala la méthodologie est pertinente du fait que l'auteur, avant d'avoir mentionné les règles juridiques ou bien les questions juridiques liées à la jurisprudence, puisqu'on a dit que sa risala va traiter de nombreuses questions liées à la jurisprudence musulmane, qui est, on va dire, qui s'appuie sur la jurisprudence malikite, comme on l'avait dit hier. Avant, il a rédigé cette introduction dans le domaine de la croyance. Et comme Cheikh nous a expliqué ici, pourquoi ? Parce que dans les premières générations, al-fiqh, il le mentionnait, il le citait, et il le subdivisait en deux catégories, al-fiqh al-akbar, le grand fiqh, et al-fiqh al-thani, al-asghar, qui est la jurisprudence. Al-fiqh al-akbar, pour eux, al-fiqh al-akbar, c'était la croyance, le domaine de la croyance, comme on l'avait expliqué hier. Ensuite, al-fiqh, qu'il mentionne en second plan. Ici, c'est la jurisprudence liée aux adorations, à ibadat, au culte, comme on l'avait dit hier, et liée au bab al-mu'amalat. Bab al-mu'amalat. Et ça, c'est très pertinent du fait que pour la validité des adorations, il faut la validité du premier fiqh, ce qu'on appelle al-aqida. Pour la validité de nos actes d'adoration et de ces adorations qui sont des piliers de l'islam comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, pour celui qui en a les moyens au moins une fois dans sa vie, pour la validité de ces adorations-là, il faut la validité de notre croyance. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que, pour la validité, par exemple, puisque Cheikh Al-Fawzan, hier, comme il avait mentionné, il a mentionné le hadith d'Abdallah ibn Omar, dont il est mentionné que l'islam est bâti sur 5 piliers, et le premier pilier de l'islam, c'est la profession de foi, c'est-à-dire le témoignage, shahadu an la ilaha illallah, que nul mérite l'adoration, nul adoré véritable si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Cette attestation-là, ce premier pilier-là, est lié à la croyance. Pour la validité des autres piliers, il faut la validité de ce premier pilier. Il n'y a point validité des autres piliers sans la validité de ce premier pilier. Et d'où l'importance. C'est pour cela que lorsqu'on observe, comme on avait dit, les écrits des anciens, des ancêtres, on voit que il y a ces parties-là d'abord où ils traitent de al-fiqh al-akbar, de la croyance, et ensuite de la jurisprudence. De la jurisprudence liée aux différentes adorations. Et ça, c'est très important. Et on avait dit, c'est bien plus tard, hein, avec l'écoulement du temps, c'est bien plus tard que, ensuite, il y a eu, lorsque les savants, les juristes ont traité de la jurisprudence, ensuite ils ont dédié des livres bien spéciaux à la jurisprudence, et ils ont commencé à relater, comme on avait dit, le domaine de la jurisprudence directement. Allez. On va continuer, Inch'Allah, sur ensuite l'explication de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Donc après avoir clarifié ce point très important, Cheikh nous dit, et donc, l'auteur fait donc partie de cette génération, de ces grands savants qui étaient sur les enseignements de nos pieux prédécesseurs. Et pour cela, vu l'importance de la croyance et du dogme, donc cette muqaddima a été rédigée par l'auteur. Et il dit, c'est ensuite, comme on avait mentionné, on s'est arrêté la fois dernière, c'est après les premiers siècles, les quatre premiers siècles ensuite, qu'ont émergé certains courants et certaines doctrines. Par exemple, il y a eu l'émergence de des gens qui ont adhéré à ce qu'on appelle la théologie spéculative, ce qu'on appelle l'ilm al-kalam. À un moment donné, et ben ça a émergé dans le monde musulman. Et cette doctrine a donc pris forme et s'est propagée dans le monde musulman, ce qu'on appelle l'ilm al-kalam, ce qu'on pourrait traduire par la dialectique ou bien la théologie spéculative. Taïb. Et de ce fait, Cheikh nous dit, lorsque ont émergé certaines doctrines nouvelles, et bien, certains qui ont adhéré justement à une doctrine qui était liée à ce qu'on appelle la doctrine du rationalisme. Du rationalisme. C'est ce qu'on appelle l'aqlaniyoun. L'aqlaniyoun, ceux qui adhèrent au rationalisme. Et cette doctrine du rationalisme, c'est quoi ? C'est une doctrine selon laquelle toute connaissance certaine vient de la raison. Écoutez bien, pour eux, la doctrine rationaliste, c'est quoi le rationalisme ? C'est le fait que, pour eux, c'est que toute connaissance certaine provient et vient donc de la raison. C'est ça qu'on appelle l'aqlaniyoun. Et de ce fait, ceux qui font prévaloir justement l'aql, al-naql, ont adhéré justement à cette doctrine du rationalisme. C'est pour cela qu'hier on avait terminé sur, c'était quitté sur ce qu'avait cité le commentateur Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Lorsqu'il dit que dans les premières générations, ceux qui étaient sur une croyance pure, eux, ils déduisaient à partir, leur déduction se faisait à partir des textes du livre d'Allah et de la Sunna. Kama qala, fa qala, kanu yastadilluna bil kitabi wa sunna. Tandis que lorsque sont apparues ces doctrines qu'on vient de citer, lorsqu'elles ont émergé dans le monde musulman, beaucoup ont délaissé justement cette déduction qui est faite à partir des sources de la révélation de l'Kitab et de la Sunna. Kama qala, hatta taraku l'istidlal bil kitab wa sunna wa dhahabu ila l'istidlal bil ilm al kalam wal mantiq wal jadal. Wa yusammuna dhalik al adillah al aqliyah wal barahin al aqliyah. On s'est arrêté sur ça hier. Et on avait avancé un tout petit peu, mais on était en train d'expliquer ce passage-là que mentionne Cheikh Al-Fawzan. Donc de ce fait, lorsqu'on vient de dire, hein, donc sont apparues ces doctrines, donc beaucoup ont commencé à délaisser cette déduction qui est faite à partir des textes, ce qu'on appelle les preuves textuelles du Coran et de la Sunna, c'est les preuves textuelles. Et eux ont fait plutôt prévaloir ce qu'ils appellent les preuves rationnelles. Les preuves rationnelles, c'est-à-dire al-adillat al-aqliyya. Taïb. On avait dit, donc pour eux, amma al-kitab wa sunnah yusammunaha, en ce qui concerne les preuves du Coran et de la Sunna, ils les ont appelés, ils les ont nommés al-adillat al-sam'iyya. Al-adillat al-sam'iyya. Taïb. الظنية فهي عندهم تفيد الظن وأما علم المنطق وعلم الكلام فإنه يفيد اليقين عندهم. Donc en ce qui concerne les preuves textuelles, pour eux, ces gens qui ont adhéré à cette doctrine du rationalisme, comme je t'ai expliqué précédemment, eux, ils ont considéré que ces preuves ici, eh ben, en quelque sorte, pour faciliter la compréhension et la traduction de ces paroles que mentionne le commentateur, en quelque sorte, c'est des preuves où il y a supposition. Elles sous-entendent la supposition. Elles sont vanni. Mais elles n'induisent pas une certitude. Mais plutôt la supposition. C'est-à-dire, fa'indahum tufid al-van. Alors que pour eux, les preuves rationnelles, parce que pour en regarder les preuves du livre d'Allah et de la Sunna qui sont des preuves textuelles, pour eux ce sont des preuves audibles. Comme dit Cheikh Al-Fawzan, je traduis de manière littérale, il dit sammunaha yusammunaha hadihi al-adilla min al-kitab wa sunna al-adillat as-sam'iyya. Yani pour eux ce sont des preuves audibles qui peuvent sous-entendre une certaine supposition, mais pas la certitude. Tandis que pour eux, les preuves rationnelles, al-adillat al-aqliyya, les preuves rationnelles pour eux, tufid al-yaqin. Elles sous-entendent ici et impliquent une certitude. Impliquent une certitude. Wa lidhalika sammuha bil-barahin al-aqliyya. Pour cela, ils les ont nommés les arguments rationnels. Wadih al-kalam. Donc là, je vous explique un peu ce que nous dit d'une manière très simple. Et ça, c'est ça, l'affaire des ulamas, des savants. Eh ben, ils arrivent à nous simplifier en quelques mots, en quelques phrases, ici en quelques mots, des choses que nous, on a du mal à expliquer en plusieurs phrases, en plusieurs mots. Parce que plus une personne est spécialiste dans le domaine et maîtrise le sujet dans lequel il parle, et plus il arrive à l'expliquer avec de courtes paroles. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, c'est très pertinent ce qu'il dit, et d'une manière très simple et concise, et bref, il nous dit que ces rationalistes, cette doctrine du rationalisme, eux considèrent les preuves rationalistes comme étant des preuves qui sous-entendent, et ben, impliquent une certitude. Et là, vous allez comprendre pourquoi, ensuite, fait partie de leur croyance, hein, de leur dogme, que pour eux, la raison, le rationnel, prévaut, la raison prévaut sur la transmission, sur les textes. Cette règle qu'ils nomment « l'aql muqaddam ala naql ». Maintenant, vous comprenez le pourquoi et la cause pour laquelle ils font prévaloir la raison sur la transmission, sur la transmission. Ils prétendent, et ils disent que, selon leur prétention, et toujours, hein, on revient, lorsque cette doctrine a émergé, après les siècles où il y avait la pureté du dogme, où les gens étaient sur une pureté du dogme, hein, une croyance saine, ensuite lorsque sont apparues ces dérives et ces doctrines, et ceux qui ensuite ont adhéré à cette doctrine du rationalisme, eux ont pensé de cette manière. C'était leur conception des choses, leur manière de voir les choses. C'est-à-dire que pour eux, à l'aql, ils ont considéré que la raison ne se trompe pas. La raison ne se trompe pas. C'est pour cela que pour eux, ils voient à travers le rationnel, la raison, à l'aql, ils voient une certitude. وَلِهَذَا يُسَمُونَ الْعَقْلَانِيُونَ الْعَقْلَانِيُونَ c'est ceux justement qui adhèrent à la doctrine du rationalisme. Pour eux, comment ils ont expliqué que la raison ne se trompe pas ? بِخِلَفْ النَّقْلِ contrairement, selon eux, à la transmission des textes. Ils ont prétendu que, par exemple, il y a certains hadiths qui peuvent être rapportés d'une chaîne de transmission faible. Donc, certains textes peuvent être faibles. Et certains textes, parfois, ne sont pas authentiques et autres. Donc, ils ont dit, il y a toujours supposition. Donc, on n'a pas certitude. Dans l'aile, ça, c'est un égarement évident et manifeste. Puisque dans le domaine de la croyance, les savants se sont appuyés sur des hadiths qui sont authentiques, où il n'y a point de doute sur l'authenticité des hadiths. Ensuite, lorsque beaucoup d'entre eux qui ont adhéré à ces doctrines-là, du rationalisme, lorsqu'ils n'ont pas pu répondre à cela, que les hadiths liés au domaine de la croyance, dont les savants ont déduit l'aqida d'après ces textes authentiques, hein, du Coran et de la Sunna, et de hadiths authentiques, dont l'authenticité ne peut être remise en cause, alors ensuite, lorsqu'ils étaient face à cette évidence, cette chose-là, cette évidence claire, alors ils ont dit, « Na'am, mais il nous faut des textes qui sont mutawatir, qui viennent de multiples chaînes de transmission, et non pas des textes qui proviennent de ce qu'on appelle « al-khabar al-ahad ». Et ça, c'est un autre sujet. Donc ensuite, ils ont essayé de justifier d'autres manières pour essayer de, ici, de justifier leur dérive. C'est pour cela qu'ensuite, il dit, à travers ces dérives, donc de ce fait-là, يُشَكِّكُونَ فِيهَا وَبَنُوا عَقَائِدَهُمْ عَلَى عِلْمِ الْكَلَامِ donc ils ont essayé de faire douter les gens. Et ils ont fait beaucoup tomber beaucoup de gens ensuite dans les doutes, dans la confusion, dans l'ambiguïté. Et de là, à partir de là, Ilm al-Kalam, beaucoup traduit Ilm al-Kalam par la dialectique, hein, la théologie spéculative, à partir de là, ils ont bâti leurs croyances et leurs dogmes. ثم قال ودخل هذا على بعض أتباع المذاهب الأربعة et ensuite, plus tard, donc hier dans l'introduction, on avait déjà expliqué, hein, ensuite par rapport aux quatre différentes écoles, on avait parlé sur ça, on ne va pas réitérer. Mais Moïm, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard, même certaines références, certains partisans de certaines écoles, ensuite, vont adhérer. Beaucoup d'entre eux vont adhérer, par exemple, à certaines de ces doctrines. C'est pour cela qu'on verra que plus tard, dans les siècles prochains, c'est-à-dire qui, par rapport à cette époque dont on parle, hein, les siècles d'après, beaucoup ensuite vont séparer entre le domaine de la croyance et le domaine de la jurisprudence. C'est-à-dire faire une scission entre la croyance de l'imam du madhab et la croyance dont eux, ils vont suivre. Cette croyance dont ils vont suivre. Ils vont faire une scission et séparer. Ils vont prendre le fiqh, la jurisprudence de l'imam sans prendre la croyance sur laquelle il était. Comme va nous dire, ici à titre d'exemple, Ashir, فَتَجِدُ الَّذِي يَنْتَسِبُ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِي مَثَلًا شَافِعِيًّا فِي الْفِقْهِ وَلَكِنَّهُ عَقْلِي فِي الْعَقِيدَةِ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِ الشَّافِعِي فِيهَا. Il dit par exemple, vous allez trouver que certains qui s'affiliaient et s'apparentaient au fiqh, à la jurisprudence, à l'école juridique de l'imam Shafi'i, alors, malgré qu'ils s'apparentaient à l'école juridique de l'imam Shafi'i, mais ils étaient Shafi'iyan fil fiqh, dans la jurisprudence. Lakinnahu عقلي في العقيدة على خلاف مذهب الإمام الشافعي. Mais en ce qui concerne le domaine de la croyance, c'était des partisans de la doctrine du rationalisme, des rationalistes. Alors que, et c'est là la grande contradiction ici, alors que l'imam Shafi'i lui-même était à la aqidat salaf. Donc, ils ont pris la jurisprudence, et ils étaient au niveau de la jurisprudence Shafi'i, mais dans le domaine de la croyance, là, ils ont adopté une autre croyance. Et ils ont penché vers la doctrine du rationalisme. Dit que c'était des aqlaniyoun. Comme on voit par exemple pour beaucoup plus tard, qui était Malikite dans la jurisprudence. Ensuite, et jusqu'à nos jours, par exemple, beaucoup de nos jours, eh ben, ils le disent d'une manière claire, hein, ils ne s'en cachent pas. C'est dit dans leurs livres, dans les programmes qu'ils enseignent, etc. Ils le stipulent d'une manière très claire, qu'ils sont malikites dans le domaine de la jurisprudence, et ils sont ash'arites, par exemple, dans le domaine de la croyance. Et dans la voie, ils sont soufis. Enfin, malikite fil fiqh, ash'ariyun fi al-aqida wa soufiyun fi al-suluk. Vous avez vu? Alors, c'est comme ça qu'ils divisent en disant qu'ils suivent le fiqh malikite, et ce sont des savants par exemple malikite, mais d'une doctrine ash'arite et d'une voie soufi. Comme c'est à l'heure actuelle, par exemple. Limada. Pourquoi? Alaykum salam. Pourquoi ont-ils séparé le domaine de la croyance et de la jurisprudence? Pourquoi ont-ils adhéré au fiqh, à la science, au savoir et à la jurisprudence des jugements juridiques de l'imam? Et pourquoi n'ont-ils pas suivi justement la croyance de l'imam? Pourquoi ont-ils fait scission entre ces choses importantes? Et là, c'est là l'une des grandes contradictions. On a dit que lui, l'auteur justement de Risala Hadihi, lui s'est distingué du fait que lui, il était à l'abri du rationalisme, par exemple. Il est à l'abri de la théologie spéculative, de la dialectique, etc. Lui a été à l'abri. Et lui, ce grand imam Malikite, lui, comme on va le voir dans la Muqaddimah à travers l'étude et l'explication et la compréhension de cette Muqaddimah, de cette Risala, on va voir qu'il est Malikite dans Al-Fiqh, qui est clair, et au niveau de la croyance, et sur la croyance dont était l'imam Malik, et dont étaient les autres imams aussi, que l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmad ibn Hanbal, ou l'imam Abu Hanifa, et les autres imams avant, ou l'imam Al-Awza'i, ou Sufyan al-Thawri, ou les grands imams Layth ibn Sa'd, ou Sufyan ibn Uyayna, ou Abdallah ibn al-Mubarak, et tous ces imams parmi les pieux prédécesseurs. Ce qui fait ici la distinction de cette Risala. Il n'a pas été perturbé par ces différents courants qui ont émergé à cette époque. شافعي في علم الفقه ولكنه في العقيدة نقشبندي أو عقلاني. Il dit comme certains ils disent pour eux-mêmes, ils le disent d'une manière claire pour eux-mêmes, il dit à titre d'exemple, ceux qui disent par exemple que dans le madhhab ils sont shafi'ites, et ils ont dit par contre au niveau de le mu'taqad في العقيدة ils sont نقشبندي. نقشبندي c'est une tariqa parmi les at-turuq, parmi les confréries soufis. C'est une confrérie parmi les confréries soufis. Et vous savez que, par exemple, le soufisme, eh ben, dans le soufisme, ont émergé différentes confréries, différentes voies, différentes méthodologies. Et à travers ces différentes confréries, ces confréries elles-mêmes ensuite se sont divisées, ici, en différentes confréries. Comme ça s'est produit, hein, on a différentes confréries, Et ces différentes conférences ensuite se sont divisées en différentes conférences. Comme par exemple le Naqshbandi, par exemple, cette conférence ensuite s'est divisée en différentes méthodologies, voies et confréries. Elle, par exemple, la confrérie de Naqshbandi, par exemple, Naqshbandi, s'est beaucoup propagée de la Turquie jusqu'en Inde. Et on voit qu'elle s'est beaucoup propagée dans le sud du continent indien, par exemple. Cette confrérie-là s'est beaucoup propagée jusqu'à nos jours, des gens qui adhèrent à cette confrérie. Donc au niveau de l'Aqida, ils adhèrent aux confréries, celle-ci, et ou d'autres confrères aussi, elles sont multiples, mais au niveau du fiqh, par exemple, ils diront qu'ils sont chafiites. Donc, ils n'ont pas pris, et là la contradiction, la croyance de l'imam chafi'i. Taïb. Ou bien il dit, certains étaient aqlani, kana aqlani, c'est-à-dire min al-aqlaniyin, un rationaliste. وانتشر هذا فيهم حتى خالفوا عقيدة أئمتهم. Donc ça s'est propagé, hein, ça s'est propagé jusqu'à ce qu'ils ont donc contredit la croyance de leur imam. وأخذوا عقائد المتأخرين وصاروا مشكلين مثل الخنثي. Et donc ils ont commencé à prendre la croyance de ceux qui sont venus plus tard. المتأخرين, c'est ceux qui viendront plus tard. Taïb. وصاروا مشكلين. Et c'est devenu un problème du fait qu'il les a comparés chir qu'à al-khunthi. Al-khunthi, al-mushkil alladhi la yudra hal huwa dhakar aw untha. Regardez la comparaison qu'il fait. Il dit, et c'est devenu comme ce qu'on pourrait dire l'asexué. L'asexué. Vous savez, al-khunthi là-bas, c'est celui qui est efféminé. Mais d'une manière plus précise, on a aussi. Il y a l'efféminé, hein, mais d'une manière plus particulière, plus précise, il y a l'asexué. L'asexué, c'est celui qui ne semble pas appartenir ni du sexe masculin ou bien féminin. Il y a confusion. Et, par exemple, en français, vous avez l'androgyne. L'androgyne, par exemple, une femme qui peut être à la base, c'est une femme, tout ça, mais elle peut avoir un certain moment, il peut apparaître à partir d'elle certains caractères masculins. Ce qu'on appelle l'androgyne d'une manière plus précise. Et vous avez le bisexué. Le bisexué, par exemple, l'hermaphrodite, comme il est dit, lui, c'est celui qui possède parfois à la fois des organes mâles et femelles. Ici, nous, on est plutôt dans ce que mentionne Cheikh Al-Fawzan, l'asexué. L'asexué. La confusion. Ici, il ne semble pas appartenir au sexe féminin ou bien masculin. Ici, eh ben, on ne sait pas. Est-ce qu'il est masculin, c'est un homme ou bien c'est une femme? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça sous-entend? Il y a confusion. Eh ben, Cherfé nous donne un exemple. C'est lorsque se sont propagées ces nouvelles doctrines, ça crée une confusion, une énorme confusion chez les musulmans. فهذه آفات دخلت على المسلمين. Donc ce fléau s'est introduit et s'est infiltré chez les musulmans. Et ça a généré une grande confusion. فبنيت بسببها المشاهد على القبور وتعلقت القلوب بالمشاهد إلا من شاء الله وهجرت المساجد. C'est ce qu'il dit. Il dit, et lorsque cela s'est propagé, donc c'est à partir de là qu'ensuite il y a de nombreuses hérésies dans la communauté musulmane qui sont apparues. Comme par exemple l'édifice de mausolées, de coupoles. Vous savez, hein, dans ces sépultures, ces tombes-là, lorsqu'ils ont fait des sanctuaires, des coupoles, ils ont édifié. Et ensuite, les gens se sont adonnés à l'adoration des morts. Ça, c'est quelque chose, vous savez, c'est les tombes, lorsqu'il y a eu l'apparition de ces mausolées, de ces coupoles, de ces édifices sur les sépultures, sur les tombes. Ça, c'était pas connu à l'époque des compagnons, à l'époque de leurs successeurs, Fizamen et Tabi'in, et des grands imams. C'était pas connu. Ça, c'est apparu plus tard, avec l'émergence de ces doctrines. Surtout lorsqu'il dit « Walamma staoula al-Fatimiyoun » وهم الشيعة الباطن وهم الشيعة الباطنية على مصر على غالب البلاد، وفشت الطرق الصوفية وبانوا القباب على القبور وشيدوها، فتغيرت العقيدة عند كثير من الناس، وصار الإسلام اسما لا حقيقة له إلا من رحم الله. ولكن الله قيد أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف ويبينون ما في مذهب الخلف من النقص والمخالفة. الشيخ nous dit par exemple le culte des tombes par exemple et des morts, ça c'est apparu lorsqu'est apparu cette daoula qu'on appelle ce qu'ils ont appelé les Fatimides, mais en réalité beaucoup l'ont appelé daoula al-Ubaidiyya, daoula al-Ubaidiyya, qui a été apparenté à Ubaidillah, un homme qui s'appelait Ubaidillah, et ça a été le premier on va dire émir calife de cet état lorsqu'ils ont pris l'Égypte et se sont imposés en Égypte. C'était une tendance qu'on appelle, qui faisait partie des Batinites, al-Batiniya. C'était des Ismaélites. Et beaucoup connaissent l'histoire. L'Ismaéliya est émergé après l'époque de Ja'far al-Sadiq, qui était un homme pieux et véridique. Il a été surnommé al-Sadiq, Ja'far Abu Abdillah Ja'far al-Sadiq, parce que justement il était véridique. Mais les partisans, justement, al-Imamiyuna, les partisans de la croyance qu'ils appellent les duodécimains, ils ont beaucoup été, ça a été traduit et décrit par les duodécimains, c'est ceux qui ont cru en la théorie des 12 imams. La théorie des 12 imams. Ils ont été appelés comme ça, les duodécimains. Et ceux qui ont adhéré à cela, c'est justement, ils ont considéré Abu Abdillah Ja'far al-Sadiq comme étant le sixième imam parmi les 12 imams. Donc ceux qui ont adhéré al-Batini Yun, les gens qui ont sombré ensuite dans le chiisme, qui ont adhéré à la croyance, à la théorie des 12 imams, ils ont considéré que Ja'far al-Sadiq était le sixième imam. Sauf qu'ensuite, ils disent, selon leur prétention, c'est leur croyance, qu'ensuite il aurait ensuite nommé, puisqu'il avait un fils qui s'appelait Ismaïl, son fils, comme étant l'imam successeur. Il sera le prochain imam, comme étant l'imam successeur et prochain. Sauf qu'il est rapporté que Ismaïl décéda du vivant de son père. Donc il n'a pas pu être le septième imam. Donc de là, ensuite, même ça, ça a généré, comme on a dit précédemment, les confréries, par exemple, dans le soufisme, se sont divisées en plusieurs, ensuite, fractions. De même, ceux qui vont adhérer au chiisme et à la croyance, à la théorie des 12 imams, les duodécimains, eux ensuite vont se diviser en de nombreuses fractions. Par exemple, à ce moment-là, va émerger justement cette fraction, cette doctrine de l'Ismaïliya, la secte des Ismaélites. La secte des Ismaélites, c'est ceux qui se sont dit Ismaïl devait être le septième imam parmi les 12 imams. Mais du fait qu'il a été dit, parce qu'il a dit qu'il est mort du vivant de son père, ils ont dit en réalité il n'est pas mort, mais c'est son père qui l'a dissimulé et caché de peur à l'époque, c'était le contexte à l'époque de l'empire Abbaside, al-Abbasiyoun, Daoula al-Abbasiyya, c'était à l'époque, et ils avaient peur, ils avaient des pressions du côté de l'État et de l'empire Abbaside, donc ils disent que son père l'a dissimulé et caché de peur, dépression et du tyrannisme, selon la prétention à eux, du tyrannisme des Abbasides à l'époque. Donc de là, ils ont dit, en réalité, il est vivant. Et c'est lui le septième imam. Et de cela, ils ont été nommés al-Ismaïliyoun. Et de là naquit cet Ismaélite. Et il ne cesse d'être existant et présent jusqu'à l'heure actuelle. Même dans certains pays africains, ils sont présents. Et dans d'autres pays, ils sont présents. Et ce qu'on appelle aussi, ils ont la croyance de ce qu'on appelle al-Batiniya. Al-Batiniya. L'essence mystérieuse et cachée. La prière, c'est pas la prière pour eux. C'est parce qu'il faut comprendre. As-salat, ce n'est pas la prière. Il y a un sens secret et caché voulu. Le jeûne. C'est pas le jeûne. Fait de jeûner. Comme c'est compris par tous les musulmans. Ce n'est pas ça. Il y a des sens cachés, secrets, mystérieux qu'il faut comprendre et que eux ont compris. C'est ça, la croyance de Al-Batiniya. Vous avez vu, Al-Batin, ce qui est caché. Mais moi, je vous fais très bref pour qu'on puisse avancer. Donc, j'ai dit, par exemple, lorsqu'est apparue justement cette doctrine de l'Ismaïliya ou Al-Batiniya, eh bien, c'est à cette époque-là, hein, lorsqu'il y a eu Ad-Dawla Al-Ubaidiyya, lorsqu'ils ont pris pouvoir en Égypte, il y a eu le premier calife qui était le calife de cet empire ou de cette dynastie, Ubaydullah Qaddah, lui qui, à l'époque, c'était après le 3e siècle, après presque au 4e siècle. Et donc, lorsqu'il y a eu donc l'apparition de Dawla al-Ubaidiyya, c'est là qu'est apparue cette innovation du culte des morts. Et c'est là qu'est apparu dans le monde musulman ce qu'on appelle les mausolées. Lorsqu'ils ont commencé à édifier des mausolées sur les sépultures, sur les tombes, les coupoles, ce qu'on va appeler des mausolées, des coupoles, des sortes de sanctuaires sur les tombes, c'est à partir de là. Les musulmans ne connaissaient pas cela. Ils ne connaissaient pas ces dérives. C'est venu bien plus tard. Mais sinon, les musulmans, à l'époque des compagnons, à l'époque de leurs successeurs, Zamanat Tabi'in, à l'époque des imams, l'époque... Les gens ne connaissaient pas cela. C'est venu bien plus tard. Comme on avait dit, par exemple, à titre d'exemple, et là, pour revenir juste, terminer par exemple, on avait dit que les Ismaïliyoun ensuite vont émerger lorsque pour eux, ils vont considérer, par exemple, Ismaïl, le fils de Ja'far al-Sadiq, n'est pas mort. Or, il est dit dans l'histoire qu'il était bien et bien mort. Il était mort. Mais eux, ils se sont dit qu'il n'est pas mort, il a été dissimulé d'eux, qu'ils se sont dit Ismaélite. Et de là, regardez comment ça va très vite. Hein. Une fraction, une secte, une doctrine, prend vite naissance et émerge très vite. Ça va très vite, regardez. D'autres ont dit, non, effectivement, il est mort. Effectivement, il est mort. Donc, ça sera le frère, Ismaïl, avait un frère qui s'appelait Moussa al-Kadhim. Ça sera son frère qui sera le successeur du sixième imam. C'est-à-dire, il sera le septième imam. Ça sera son frère, Moussa al-Kadhim. De là, naquit une fraction qui s'est nommée al-Moussaouiya. Et vous pouvez trouver dans les livres qui relatent l'émergence de différentes doctrines et différentes sectes, lorsqu'ils ont émergé, de là, ils se sont appelés al-Moussaouiya. Al-Moussaouiya. D'autres sont venus, on dit non. Moussa ne peut pas être l'imam successeur, le septième imam. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'imama ne peut pas passer d'un frère à un autre. D'un frère à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que ça, c'était spécifique à al-Hassan ou al-Hussein. Les deux petits-fils du prophète, alayhi salatu wa salam. Parce que pour eux, ils ont considéré que al-Hassan kana imam indahum, parmi les douze imams. Donc ils ont dit que l'imama ne peut pas se déplacer d'un frère vers son autre frère. Et de là, Moussa était le frère de Ismaïl, donc il ne pouvait pas être imam. De là, n'a qu'une autre fraction encore. Qu'ils ont contredit, et qui est en divergence avec al-Moussaouiya. Donc on a eu l'Ismaïliya. Ensuite, on a le Moussaouiya, juste pour qui est-ce qui va succéder au sixième imam et qui deviendra le septième imam. Regardez, ça va très vite. Shaitan peut faire sombrer les gens dans différentes dérives, et cela de manière très rapide, si on ne reste pas attaché au texte et à la sunna de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, le prophète sallam nous dit, « Taraktukum ala bayda, layluha kanahariha, layyuzo anha, layyaziru anha, illa halik. » Le prophète dit, je vous ai laissé dans une blancheur de nuit comme de jour, nul ne pourra s'égarer si c'est une personne qui a un goût à l'errance et à l'égarement, traduction relative hein, du récit. Donc vous voyez, ensuite même les ismaélites entre eux se sont divisés, parce qu'il y a eu les purs ismaélites qui se sont dit Ismaïl du fait qu'ils se sont dit qu'il n'est pas mort, et d'autres qui ont dit s'il est mort mais on le prendra quand même comme imam, et eux-mêmes, les ismaélites ensuite se sont divisés. Wahakada ad-dalal. Et comme cela, l'égarement. Et ça mène loin. Regardez par exemple, si on a le temps, on a, il nous reste quelques minutes. Regardez par exemple, nous on revient par exemple, dans le madhhab Maliki, puisque l'auteur du livre, lui, on a dit, a suivi l'imam Malik. que ce soit dans la jurisprudence comme dans la croyance. Et tellement il était connaisseur du savoir qu'a laissé l'imam Malik, comme on a dit, il a été appelé Malik al-Sarir, le petit Malik. Tellement il maîtrisait, il était spécialiste de ce qu'a rapporté comme savoir l'imam Malik. Donc on a dit, à l'époque, si vous regardez à l'époque, au Maghreb, qui était l'Afrique du Nord, à l'époque du Maghreb, on a dit que lui, par exemple, l'imam Ibn Abi Zayd, a naquit dans cette terre de Qayrawan. Qayrawan, cette terre célèbre, cette grande cité, lorsque je dis cité, vous comprenez, cette contrée, cette ville qui accueillit de nombreux ulamas, qui était une référence. Beaucoup de ulamas, de savants ont été formés en cette terre, Qayrawan, qui est en Tunisie actuelle. En Tunisie, actuellement, cette ville de Qayrawan. On avait dit que, à l'époque, beaucoup de savants malikites, comme lui, n'ont pas été touchés par ces différentes doctrines qui vont apparaître ensuite. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'ensuite, par exemple, il y a la doctrine du ash'arisme, al-ash'a'ira. Al-ash'a'ira, on voit qu'ensuite, al-ash'a'ira vont, cette doctrine-là du ash'arisme va se propager dans, par exemple, le Nord-Afrique et dans l'Afrique aussi, au Maghreb actuel, jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'à l'heure actuelle, vous voyez que, par exemple, au Maghreb, dans le pays d'origine, beaucoup de ces pays sont d'obédience malikite dans la jurisprudence, mais au niveau de la croyance, ils sont ash'arites, comme ils le disent, et d'une voix soufie, comme ils le prétendent. Quel moment ? Les savants ont traité à quel moment ? Eh bien, la doctrine du ash'arisme s'est propagée au Maghreb, au Nord-Afrique. À quel moment ? Il y a plusieurs raisons, plusieurs causes qui ont été évoquées par les savants. Certaines causes ont été évoquées par les savants. Parmi ces causes, ils disent, par exemple, à l'arrivée d'un homme. Il y a un homme qu'il faut connaître, à l'époque, qui était à la tête d'un empire. Tête d'un empire, cet empire qui s'est propagé dans le Nord-Afrique et en Andalousie aussi. En Andalousie. Cet homme-là était le fondateur de ce qu'on appelle Dawlatul Muwahhidin. Dawlatul Muwahhidin. Il est celui qui a fondé les bases de la croyance de cette Dawla. Et cette Dawla, Dawlatul Muwahhidin, ils sont la cause de la chute du grand empire de ce qu'on appelle Dawlatul Murabitin. Dawlat al-Murabitin. Et celui qui a été la cause de la chute de Dawlat al-Murabitin, pourquoi en fait, brièvement, on parle de ça, ce point historique, c'est pour bien comprendre. Ah, il est dit, certains spécialistes du madhhab malikite, ils disent qu'à l'époque de Dawlat al-Murabitin, à l'époque à sa tête, il y avait Yusuf ibn Tashfin, hein, connu, on avait déjà mentionné l'histoire, lorsqu'il y a eu la Darwa qui s'est propagée au sud de la Mauritanie, nord du Sénégal, avec ce grand savant Abdallah ibn Yassine, il a formé Yusuf ibn Tashfin et Abu Bakr al-Lamtouni. Ensuite, cette Darwa-là s'est propagée, jusqu'à qu'il y ait eu un état qui s'est propagé dans tout le Nord-Afrique et en Afrique aussi, jusqu'en Andalousie. Donc Yusuf ibn Tashfin, ensuite, en était l'émir. Plus tard, ensuite, celui qui va succéder à son père, Yusuf ibn Tashfin, il y aura Ali ibn Yusuf, célèbre. Ali ibn Yusuf ibn Tashfin. Et c'est à son époque qu'il y aura la chute de l'empire de Al-Murabitin. Certains spécialistes du madhhab malikite, ils disent que, à l'époque de Al-Murabitin, Al-Fuqaha, les juristes étaient d'obédience malikite. C'est pour cela qu'on cite cela. Étaient d'obédience malikite. Haoul Al-Fuqaha, ils ne connaissaient pas, comme il était dit, Ilm al-Kalam. Oui, c'est pas Ilm al-Kalam. Ils n'ont pas été touchés sur ça. Étaient d'obédience malikite au niveau de la jurisprudence et de leur jugement dans les questions juridiques. Mais, fil aqida, leur croyance n'a pas été entachée par ces différentes doctrines qui vont se propager, surtout la doctrine de la dialectique et du kalam. Pour ça, ils ont été décrits par beaucoup comme étant des fuqaha qui n'ont pas connu hadhihi al-aqaid ou l'ilm al-kalam ila akhiri. Plus tard, donc c'est là que, à cette époque, va apparaître un homme, un personnage, une personnalité qui va jouer un rôle très important dans cette contrée et dans cette région du monde. Il s'appelait Mohammed ibn Abdullah ibn Tumirt. Ibn Tumirt, qui est célèbre. Ibn Tumirt, qui est à base de la région de Sousse, et Naki, en cette région, c'était un berbère, à la base. C'était un berbère. Et il maîtrisait la langue berbère. Il la maîtrisait. Plus tard, lui, je l'ai dit dans sa biographie, après la vingtaine d'années, Satan dit à l'âge de 27 ans ou autre, lorsqu'il était jeune, ensuite il va aller étudier la science. Il va d'abord, certains disent qu'il va d'abord aller en Andalousie. Il va rencontrer de grands ulamas. En l'occurrence à l'époque, Abu Bakr al-Tultushi. Célèbre, le grand savant al-Tultushi. Celui qui a une lettre, il a une risala qu'il avait écrite à Ibn Tashfin, à l'époque qui est célèbre, qui a été même enseigné et propagé, cette célèbre risala. Abu Bakr al-Tultushi, ce grand savant. Il va rencontrer des savants. Il va commencer à apprendre l'ilm. Et de là, certains disent, certains biographes, ils disent qu'il va être influencé aussi, il va commencer à s'ancrer du, influencé par le madhab al-Zahiri. Et à cette tête du madhab, il y avait le grand imam Ibn Hazm. Ibn Hazm. Que Ibn Hazm, à la base, était de Qurtuba. Il faisait partie des grands savants de Qurtuba à l'époque, d'Andalousie. Ensuite, il va voyager en Orient. En Cham. Il va aller au Cham, à Misr, en Égypte, à Bagdad. Et là, il va rencontrer de grands savants. Sauf que, il va vraiment devenir fort dans l'ilm, dans la science. Et il va obtenir une grande part de l'ilm de ces savants. Il va vraiment apprendre et s'ancrer dans l'ilm. Certains disent, certains nient, certains affirment qu'il a même rencontré l'imam Abu Hamid al-Ghazali à son époque. Certains l'affirment et d'autres le nient, mais certains disent qu'il y a supposition et forte supposition, ils affirment qu'il a rencontré l'imam al-Ghazali. De ce fait, ils disent ensuite qu'il a hérité de la science d'Ilm al-Kalam. Il va hériter de cette science d'Ilm al-Kalam. Et donc, ensuite, il va revenir. Ensuite, de ce voyage, après son apprentissage de nombreuses années, il va revenir. Il va revenir après plus de 10 années, longtemps après, il y en a 10 ans, très longtemps après. Si ce n'est pas 12 ou 16 ans, comme ça, très longtemps après, des années, il va revenir vers le Maghreb. Et là, lui, il a étudié, il a appris, sauf que il va prendre et être influencé par de nombreuses doctrines. En l'occurrence, comme on le verra plus tard, en l'occurrence, il va revenir avec cette doctrine du ash'arisme. Il sera ash'arite au niveau de al-aqida. Et il va prendre aussi d'autres choses, d'autres doctrines, comme c'est connu dans sa biographie. Sauf que lui, il était décrit par les biographes, et ça c'est très important, comme étant quelqu'un de dur, de sévère. C'est quelqu'un de très strict, de rigide. Surtout dans sa manière de recommander le bien et de réprouver le blâmable. Dans sa manière de recommander le bien et de réprouver le blâmable, d'en faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, il était très dur, il était sévère. Jusqu'à ce qu'il ait dit une période qu'il était à la Mecque, il s'est fait frapper. Et ils disent même dans son retour, lorsqu'il va étudier, il va partir ensuite, lorsqu'il va faire son périple pour aller apprendre la science du Chem, d'Égypte et d'Irak, lorsqu'il va revenir vers le Nord-Afrique, vers le Maghreb, ce voyage est célèbre, il est relaté par des historiens. Il dit, il sera en bateau, et là il va voir des mukhalafat. Et lui, il était connu que c'était quelqu'un de, comme ils disent, inflexible. Il était très dur dans sa manière de faire l'amr bil ma'ruf, de recommander le bien et de réprouver le blâmable. Et lui, il voyait le munkarat. Dans le bateau, il a vu des munkarat. Il a commencé à les blâmer, à réprimander cela, etc., jusqu'à ce qu'il les rapporte qu'ils vont le jeter dans l'eau. Ils vont jeter de la barque et du bateau. Ils vont le jeter. Et certains historiens, certains affirment, certains rapportent ça, d'autres non, mais certains rapportent quelque chose de complémentaire. Ils disent ensuite, il nageait. Il nageait et il résistait à la nage. Il résistait à la nage. Pareil, ils disent hein, qu'il a vraiment nagé un certain moment, longtemps, que certains disent, subhanallah. Et comme ça, ensuite, ils se sont dit, mais c'est un saint, cet homme. Et l'on refait monter, certains rapportent cela à certains historiens, on ne fait que transmettre, hein, certains historiens, ce qu'ils disent, ils l'ont remonté dans la barque, et là, ils ont commencé à l'honorer, etc. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة continuer, en ce qui concerne l'histoire de Mohammed ibn Tumirt, celui qui est connu hein, par ce nom, Mohammed ibn Tumirt, pourquoi ? Parce que c'est une personnalité, c'est un personnage qui a joué un grand rôle dans le changement, un grand changement qui a eu ensuite en Afrique du Nord, au Maghreb et en Andalousie, à son époque. Donc lui, ibn Tumirt, ensuite, dans ce qu'il a fait ce voyage, ensuite, il est rapporté, il y a beaucoup de faits qui sont rapportés de lui. Beaucoup de faits lorsqu'il arrive au Maghreb, il arrivait en terre actuelle qui est la Tunisie, en Tunisie. Il a débattu avec des savants de la Tunisie. Et comme on a dit tout à l'heure, tellement qu'il avait acquis un savoir élevé, il a même surpassé certains savants de ces contrées. Il les a surpassés dans les débats. Il les a vaincus dans les débats. Jusqu'à ce qu'il ait même dit qu'ensuite il continue son trajet, il arrive en terre actuelle d'Algérie, à Bidjaya, précisément. Il arrive à Bidjaya. Et même à Bidjaya, il a vu des choses blâmables à réprimander. Il a commencé à faire l'amr bil ma'ruf, wa nahy anil munkar, comme c'est à son habitude. Mais c'était quelqu'un de très dur et de très strict. Et il faisait l'amr bil ma'ruf, wa nahy anil munkar, jusqu'à ce qu'ensuite il a vu des choses vraiment, des choses. Des hérésies, les péchés qui étaient propagés, des légendes propagées, le khurafat, le bidar, etc. Il n'a pas pu supporter, et faisait l'amr bil ma'ruf, wa nahy anil munkar, jusqu'à ce qu'ensuite il a été menacé, il a dû sortir et partir continuer. C'est de là qu'il a connu l'un de ses célèbres compagnons, son plus grand compagnon, qui deviendra ensuite son successeur, qui est Abdel Mu'min ibn Ali. Abdel Mu'min ibn Ali, qui deviendra ensuite le premier calife ou émir de Dawla al-Muwahidin, celui qui ensuite qui va vraiment fonder ici l'empire des Al-Muwahhidin. Ibn Tumert ensuite, lorsqu'il arrive en terre actuelle qui est au Maroc, il va ensuite arriver au Maroc, il va aussi arriver à Marrakech. Et de là aussi, il va voir que la corruption s'est répandue. Et beaucoup de... Le mal s'est répandu. Et beaucoup de choses contraires aux bonnes mœurs se sont répandues en cette terre. Il est même raconté une histoire, qui est relatée, qu'un jour il était dans la mosquée le jour du vendredi, et vous savez, à côté de la place de l'imam, il réservait la place pour le calife, pour l'émir de l'époque. L'émir, on avait dit, c'était l'époque du fils de Youssef ibn Tashfin, c'est-à-dire Ali ibn Youssef ibn Tashfin. Et lui est venu et s'est mis proche de l'imam. Et les gens se sont étonnés. S'est mis proche de la place où devait être l'émir. Lorsqu'il est rapporté, certains historiens rapportent que Ali ibn Youssef ibn Tashfin ensuite arriva à la mosquée pour prendre sa place, alors là, lui ibn Tumert a commencé à réprimander et désapprouver l'émir. D'une manière violente et rude, hein, d'une manière inflexible, hein, et d'une manière sévère, en lui disant, tu es l'émir et regarde, la corruption s'est répandue, etc. Il a commencé à le réprimander devant tout le monde. C'était sa manière de faire. C'était quelqu'un de très dur. Et ça fait partie des traits de sa personnalité. Jusqu'à ce qu'ensuite, sa manière de faire, sa dureté, sa sévérité, va se répandre. Et de là, jusqu'à il y aura des faits bien précis, et jusqu'à ce que Ali ibn Youssef ibn Tashfin va demander un colloque et va organiser une sorte d'assemblée où il y aura débat entre les savants, les fuqaha, les juristes de l'époque, et Hadha Mohammed ibn Tumert. Donc il va organiser un débat. Et de là, il va débattre. Sauf que c'est là qu'il est rapporté que les juristes à l'époque, les savants de l'époque, n'aimaient pas, n'avaient pas de l'empathie pour Mohammed ibn Tumert. Ils le détestaient et le méprisaient. Du fait de sa doctrine qu'il a ramenée et qu'il a rapportée, qu'il a infiltrée à cette époque. Ils ne l'aimaient pas. Et lorsqu'il y a eu débat, ensuite, lui, du fait qu'il avait un savoir, donc il a commencé, ici, à rapporter son savoir avec de belles paroles, jusqu'à ce qu'il a fait même pleurer l'émir. Il a rapporté une chose que eux n'adhéraient pas, c'était ilm al-kalam. La théologie spéculative, l'interprétation, etc. Ils n'adhéraient pas à cela, et lui leur a rapporté cela. El-Muhim, il a épaté certains avec ses belles paroles et autres, et son discours. Sauf qu'à l'époque, il y avait un imam, l'un des juristes qui était célèbre, l'un des juristes qui était très très fort, fait l'ilm. Il venait d'Andalousie. Ensuite, l'émir l'a fait venir jusqu'à Marrakech, ici, pour devenir juge. Et c'était le juge de Marrakech. Il était conseiller aussi de l'émir Ali ibn Youssef ibn Tashfin. Conseiller aussi. Il s'appelait Malik ibn Muhayb. Al-Andalusi. Et qui est né en 453 de l'Hégire et décédé en l'an 500, 525 de l'Hégire plus précisément. Lui a vu et a remarqué ici la perfidie de cet homme Mohammed ibn Tumert. Et ensuite il s'adressa à l'émir en lui disant, cet homme il faut l'arrêter. Son but n'est pas de réprimer le mal et de conseiller le bien, d'appeler les gens au bien, mais son but à cette personne, c'est le pouvoir et propager le mal. Et lorsqu'on va voir ce qui va se produire d'une manière historique, on verra que ce savant, Malik ibn Muhayb, ne s'est pas trompé. Mohammed ibn Tumert va être à la tête de faits, il va se produire des faits. Al-Ajab, l'Ujab. Et ça, Inch'Allah, on terminera sur ça, sur certains faits qui vont se produire, l'assise de demain, Inch'Allah. À l'assise de demain. Pour terminer, on verra que Mohammed ibn Tumert, plus tard, va prétendre l'infaillibilité. Ce qu'on appelle en arabe al-Asma. L'infaillibilité, qu'il est infaillible. C'est-à-dire que tout ce qu'ensuite il va propager et enseigner, les gens seront dans l'obligation d'y adhérer. Jusqu'à même que plus tard, il va rédiger un livre, comme on va le dire, Kitab al-Murshid, al-Murshida, Kitab al-Murshid, al-Murshida. Ce livre-là, il va traiter de la science de l'unicité, du tawhid, et il va mélanger d'autres choses, hein, d'autres hérésies et doctrines fausses, et il va l'imposer. Et toute personne qui ne va pas adhérer à cela, il va l'excommunier de l'islam. Il sera excommunié de l'islam. Donc il va prétendre à l'isma, l'infaillibilité. Pour lui, il va considérer qu'il est infaillible. Et aussi, Sayyid-da'i annahu huwa al-Mahdi. Il va prétendre aussi que c'est le Mahdi. Le Mahdi tant attendu. Et ses partisans, ceux qui vont le suivre, et ben vont croire en son infaillibilité et vont croire vraiment que c'est le Mahdi qui est attendu. Et à partir de là, il se produira des faits historiques qu'on relatera certains faits dans la six prochaine. Wallahu a'lam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.